Moi, je serais Chapigal. Ah, ben, ton tour. La ligne 2. Ouais, ouais. T'as quelle station? Ben, écoute, hier, j'étais à Jaurès. Aujourd'hui, je suis à Blanche. Tu changes d'hôtel tous les jours? Ben, non, parce que c'est une longue histoire, mais il y a six mois, j'ai voulu prendre la même chambre pour mes 7 jours, mais c'était déjà rempli. Donc, j'ai pris 4 jours là, à un endroit, 3 jours à un endroit, puis là, une journée là. Et demain, je m'en vais de là à l'opéra pour prendre mon bus. Mais sinon, c'est... Ou sinon, je préfère la même place parce que t'es obligé de toujours prendre tes valises. Puis, Mais en même temps, ça te fait connaître d'autres endroits. Ben, c'est clair. Aristide Bruant, c'est super intéressant. Pardon? Aristide Bruant, je reste sur la rue Aristide Bruant. Malheureusement, ça monte. J'avais un sac à dos hyper avec les disques puis les bandes dessinées. C'est pour ça que je me suis racheté un autre sac. Là, j'ai dit... On dit chez nous, on a Bargain. Ben on a bargagné nos sacs. Salut Laurent. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Excellent. Ben, allô? Ouais, j'avais une heure, donc j'ai dit servi quoi là. Ouais. Désolé, je suis un petit peu à la cour. Pas grave. On n'est pas pressé. La rue Oberkampf, elle est un peu longue, faut la remonter. Oui, mais ça dépend si tu la prends par là ou par là. Bah ouais, non, j'ai pris au métro. Ouais. Je me souvenais que c'était un peu long, mais enfin pas... Ah, t'as pris la ligne 6? La 5. La 5, ah ouais. Ouais, j'étais à côté. Ouais. Bah, c'est... Il y en a eu deux là qui sont passés, c'était Que des verres. Ah, les filles? Ah, il y en a. Ah ouais, mais t'es sur, à l'endroit où les yeux... Attends, je coupe ça parce que... Donc Rénal, voilà, un fou furieux. Eh ben, enchanté. Un fou furieux. Ouais, ben... J'ai eu Franck ce matin, je te rappelle. D'accord. Alors Laurent, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Excellent. Ah ouais. T'as fondé un nouveau groupe récemment? Ouais. Ouais, on peut dire ça. J'ai remonté, après une longue aventure de rock'n'roll, j'ai remonté un projet qui porte mon nom avec des musiciens avec Est-ce qui je jouais depuis... Est-ce qu'on peut connaître la genèse de tout ça, c'est-à-dire d'où c'est parti, comment t'es venu à faire de la musique, à quel endroit t'es né Ouais, je vais faire ça court. Mais je suis né en France, je suis né à Laval. Ok. Donc, toi aussi, au même endroit que j'ai rencontré quelqu'un qui était à Laval, Chouanard. Oui. Chloé Chouanard. Ah bon? Elle est de là-bas? Oui, elle joue avec le groupe Dandy Frakes. D'accord. Au funk. Moi, je connais deux noms. Ah voilà, voilà. Ouais. Non, voilà, je suis né à Laval, donc je suis né en 74. J'ai pas habité là-bas, je suis venu en région parisienne très vite. Ok. Je suis rentré au conservatoire très tôt. À Paris? À Paris, ouais. Je suis rentré au conservatoire avant 6 ans, en fait, 5 ans et demi. Voilà, le cursus classique, tu sais, qu'on fait pour les gamins. Ouais. Solfège, clarinette. Saxophone, toi, ouais, j'ai commencé par ça. Ça, c'est un instrument obligatoire ou tu l'as choisi? Non, c'était. Non, il n'y avait pas la place pour un piano. Mes parents n'étaient pas très fortunés, on ne pouvait pas acheter un piano, donc la clarinette, ça prenait moins de place. Okay. Donc voilà, clarinette et puis saxophone après. Et puis finalement, il y a eu un piano, donc vers 11-12 ans. Ouais, voilà, enfin chez mes parents, il y a eu un piano. Donc, Un piano, un petit piano. Un piano d'études. Ah, okay. Tu vois, et puis donc ça m'a permis de commencer à. Voilà, un petit peu à tripoter le piano, à apprendre tout seul. Puis à la même époque, je suis rentré dans le chœur d'enfants de l'opéra à 11 ans, donc j'y suis resté jusqu'à 15 ans. Donc c'était une grosse période musicale. Ouais, grosse période musicale. Tu vois, ça prend 30-40 heures par semaine, et tu vois, tous les week-ends, plus les études, voilà, c'est un truc vraiment à temps plein, avec une grosse discipline et beaucoup de travail, et puis des tournées dans le monde entier. Donc j'ai pas encore eu la chance d'aller au Canada, mais enfin voilà, les États-Unis, l'Asie... Où c'est à quel endroit aux États-Unis? Ah, aux États-Unis, je fais toute la côte ouest, plusieurs États, Californie, Utah, Nevada, Nouveau-Mexique. Avec ce cœur d'enfant de l'opéra, en fait. Okay. Donc voilà, j'avais 15 ans. Après ça, il y a eu la guitare. La guitare, ça mène à apprendre un petit peu à jouer des chansons de... Oh. Voilà, des Bob Dylan. Le Pink Floyd. Pink Floyd. Voilà, et puis aussi des chansons françaises, tu vois, découvrir aussi Renaud et tout ça, apprendre à jouer ce genre de choses. Donc en même temps, il y a un peu la culture anglo-saxonne et puis le goût pour l'écriture des chansons en français. Et puis voilà, puis là commencent les premiers groupes de rock, 17-18 ans. Lesquels? Mes premiers groupes, un de mes premiers s'appelait Flipper, le premier avec lequel j'ai fait un disque et tout ça, pas mal tourné, quelques petites télés sur le câble, enfin tu vois, ça s'est développé comme ça, 21-22 ans. Et puis ensuite j'ai créé un groupe qui s'appelait Alpha Jet. Et puis avec une belle aventure, Combien d'années, Alpha Jet? 6 ans à peu près. Est-ce qu'il y a des albums qui... Oui, il y en a deux. Il y en a un qui est... Donc c'est d'abord sorti sur un label anglais, donc c'était assez étrange parce que c'était chanté en français. Mais c'est d'abord sorti sur un label anglais, puis en signature sur Universal, donc Polydor, Universal. Ah oui. Voilà, donc là j'ai rencontré Thomas, qui est avec nous là aujourd'hui, avec qui je joue toujours. Donc ça va faire déjà 8 ans qu'on joue ensemble, qu'on se connaît. Donc une aventure un peu rock'n'roll. Rock punk ou rock'n'roll? Écoute, voilà, moi les influences étaient un peu punk et grunge, tu vois. Donc ça faisait beaucoup du bruit. Oh bah moi j'étais un très grand fan des Buzzcocks, Undertones, Stiff Little Fingers. Plus underground encore. Belfast, le punk irlandais, tu vois. Pistols, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, ouais, même... Oui, purée, tout. Ouais, puis mélodique aussi, tu vois, peut-être un peu plus mélodique, donc le côté un peu punk ouvrier qui a écrit des chansons, fan de Beach Boys, quoi. Ça se retrouvait là-dedans, donc il y avait à la fois beaucoup d'énergie, puis une espèce de volonté d'écrire en français, et puis d'avoir aussi quand même des mélodies accrocheuses. Mais tu as toujours écrit en français? Pourtant ma mère est anglaise, donc je peux parler anglais. Anglais d'Angleterre? Oui, de Jersey, exactement, donc... J'étais bercé dans les deux, mais je sais pas, j'ai vécu en France, à part une petite année où j'ai vécu à Los Angeles, mais ça m'a pas tellement plu. T'as vécu à Los Angeles? Ouais. Combien d'années? Presque un an, 10 mois en fait. À cause de tes parents? Attention. Oups, merci. Tu parlais, J'aime bien le « à cause » parce que à cause du fait que... Non, mais par obligation, tes parents? On va dire... Non, regarde en dessous là. Ouais. Bon, par obligation scolaire, désolé, on va dire. C'est pas une technique. Merci. Est-ce que, monsieur, t'as un peu de ferraille pour prendre un café? Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Un allongé? Ouais. Et le... Oui, à cause. J'aime bien. Non, à cause. Mais la cause, c'est l'obligation de suivre nos parents. Ouais, non, disons que je me suis fait un peu renvoyer d'un lycée et puis qu'après, au bout d'un moment, personne ne voulait plus trop m'avoir. Alors, ils m'ont balancé là-bas pour, en me disant, voilà... Donc j'ai dit, voilà, il faut perfectionner un peu. Alors t'étais un réactionnaire? J'étais un peu rebelle, j'étais un peu turbulent, on va dire. Okay. Je m'intéressais plus au rock'n'roll qu'aux mathématiques. Ok. Ouais. Puis Alpha Jet c'est terminé, voilà. C'était un petit peu compliqué, une grosse maison de 10 pour un projet comme ça, ça n'a pas tellement bien matché, tu vois. Ouais. On a fait ce qu'on a pu, tout ça, il y a quand même eu un petit peu, ça a été quand même un petit peu, on a tourné, c'est passé quand même, il y a eu un clip et tout ça, donc c'était quand même, il y a eu un peu de reconnaissance. Et puis voilà, s'en est suivi une période un petit peu en sous-marin, un petit peu plus isolée. Underground. Ouais, avec peut-être voilà, une façon de un petit peu de maturité sur l'écriture. C'est devenu un peu plus chanson, un peu plus axé sur les textes. Et puis donc voilà, il y a... À la Maxime Le Forestier, c'est vraiment... Autant rock, c'est peut-être un petit peu moins rock, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui axé sur l'émotion que sur l'énergie. Il y a toujours de l'énergie sur scène parce qu'on est quatre, ça ressemble quand même encore à un bon vieux groupe de rock des familles, tu vois. Basse, batterie, guitare, piano, avec ça, tu sais. Hein. Bon. On va loin. Voilà. On va très loin. Oh, tu sais ce que j'ai écouté hier, c'est marrant, j'entends ton accent, j'ai écouté Beau Dommage hier. Ah oui, Beau Dommage, ah, oui, mais. J'adore cette chanson, la complainte du fuck en Alaska. Mais c'est pas de Beau Dommage. Ah bon, c'est de Félix Leclerc. Ah ben je me disais bien que c'était pas d'eux. Non. Ça, c'est une reprise. J'adore cette chanson. Ah oui. Et j'ai vu un concert là dans une salle gigantesque, tout le monde chante un truc de folie. Avec Beau Dommage? Exactement, ouais. J'ai regardé ça sur YouTube, tu vois. Ok, je pensais que tu parlais du retour de Beau Dommage parce qu'ils ont fait un retour il y a quelques années. Ah bah c'est peut-être ça que j'ai vu. Pour remplir un peu les poches. Ah d'accord. Bon, ouais, c'est uniquement pour ça. Bon, il faudrait que j'aille chercher Félix Leclerc parce que cette chanson, l'originale, elle est super belle. Tu parles de Maxime Le Forestier, c'est un peu dans le. Attends, je suis en train de dire quelque chose d'assez énorme. Ah. Exactement, c'est de Beau Dommage qui a été repris, c'est une des seules reprises que Félix a fait. Ah, c'est le contraire, c'est alors. L'original, c'est Beau Dommage. D'accord. Bon, enfin voilà, je pense mais à ça. C'est un méga titre. Ah oui, super, cette chanson. C'est comme Quand les hommes y vont d'amour. Ah ouais, c'est... De Raymond Lévesque, un peu plus chansonnier, là, mais... Ouais, donc voilà, donc ça s'est resserré un petit peu, oui, un petit peu chanson. Non, mais voilà, la... ouais, c'est parce que tu parles de Maxime Le Forestier. Jean Leloup, ah, ben Jean Leloup, je connais, voilà. Ah, ben je connais depuis le tube 1990. Oui. J'ai acheté le single, okay. Je le connaissais par cœur, j'adorais, quoi, c'était génial. Et t'as-tu suivi après? Ah non, pas du tout. Okay, faudrait peut-être que j'aille. Ouais, vois sur YouTube, c'est bon, tu vas prendre ton pied parce que c'est Ah, incroyable. Ouais, j'ai des amis qui sont assez fans, ça va, faudrait que j'aille écouter ce qu'il fait. Oui, j'ai retrouvé une chanson de Jean Leloup sur un film d'Alain Cavalier qui s'appelle René. Ouais. Et ça m'a dit, j'ai dit, voyons donc, Jean Leloup, c'est un film de. C'est un film de répertoire. Écoute, ouais. Alain Cavalier, c'est pas quelqu'un, Taxi 1, 2, 3, là, c'est vraiment une vision humaniste de quelqu'un. Puis là, il y a une super boom, une surboom. Ah ouais. Et on entend Jean Leloup, ben, là, j'étais fier, hein, j'étais dans mon studio maison, j'écoutais ça. Non, j'avais une petite. Jean Cavalier, tu dis? pardon? Jean Cavalier, tu dis, ça s'appelle? Non, c'est Alain Le Cavalier. Alain Le Cavalier, d'accord. Et le titre du film, c'est René. D'accord. René, c'est un obèse qui veut maigrir. Et à travers ça, ben, à un moment donné, il y a la déprime et c'est là qu'il veut faire une fête. Et il y a Jean Leloup qui joue. J'ai trouvé ça intéressant. Et donc, c'est ça, tranquillement, tu t'es. Depuis le début, tu as écrit tes textes. Ouais, toujours. Tu t'es consacré. Ouais. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou... Alors, les mots sont importants, on va dire. Si. Oui, les textes, ça s'écrit comme ça, comme des poèmes, dans des carnets et tout ça. Si le texte. Le poème se tient du début à la fin. En général, la chanson va plutôt se tenir aussi. Bah, après, la musique vient piano la plupart du temps. Puis après, sur scène, il y a guitare et piano, ça dépend. Mais quand tu le fais à l'origine, c'est piano ou voix? Très souvent, ouais. Ouais, je viens du classique, donc ça, voilà, j'ai un peu ce bagage classique, donc c'est beaucoup au piano. Ouais. Est-ce que la musique vient ensorceler les mots ou si c'est les mots avant, après ça, tu t'en vas au piano? C'est vraiment ça se télescope. D'abord, le texte est là. Ensuite, il y a une espèce d'envie. On sait pas, un peu dans l'air du temps. Il va y avoir une envie d'un truc un peu, d'un beat un peu up-tempo ou quelque chose de très mélancolique. Ça dépend des envies. Puis, je sais pas, la musique, ça vient un petit, ça reste un peu magique. C'est moins laborieux. Tu vois, le texte est très laborieux. On faut reprendre, corriger, changer un mot, un bout de phrase, changer une conjonction de coordination, changer la moindre virgule et tout ça. Ça, c'est très long. Enfin, c'est très long, c'est long. La musique, c'est un peu le contraire. C'est très spontané, instantané. Maintenant, je me mets au piano, je ne cherche pas. Je ne cherche pas, j'ai un petit peu mes repères et ça vient. Après, voilà, le texte est le plus long. Surtout quand en français, on veut à la fois raconter quelque chose, on veut essayer de faire en sorte que la chanson, elle tienne. Elle tienne un peu plus de 6 mois, tu vois. C'est-à-dire, il faut prendre un petit peu de soin. Bon voilà, on a des très bons chansonniers en français, heureusement, donc... Lesquels? Oh bah, je pense, pour l'écriture, je pense que c'est des gens comme Boris Bergman, Jean Fauque, tu vois, qui sont des gens que moi, je... Ouais, ça, c'est des... C'est des patrons, tu vois. La métaphore. Par exemple, ouais. Les maîtres de la métaphore. Voilà, voilà. Higelin aussi, que j'aime beaucoup. voilà, ce sont des... Je sais pas, il y a des bêtes de scène. Higelin, c'est une bête de scène. En plus, oui, voilà. Ouais, bah lui, sur scène, il est mortel, ouais. C'est assez incroyable. Mais qu'est-ce que... Oui... Lors de l'écriture, est-ce qu'à un moment donné, tu peaufines beaucoup plus les écrits que tu rédiges ou la musique? Mais je t'ai dit, la musique, ça prend quand même un temps. Ça prend du temps. Moins que le texte. Oui, je dirais que c'est plus instinctif. Le texte, il y a une part d'instinct, mais il faut prendre un petit peu de recul. Ça dépend de ce qu'on a envie d'écrire. Tu parles de métaphore. Quand on a envie de mettre en forme d'une façon un petit peu imagée, et pas que ce soit juste, voilà, je m'assois, je bois mon café, il fait froid, comme d'habitude. Encore celui-là, il est marqué, ouais, il est génial. Ça, ouais. C'est une bonne idée, là, tu vois. Oui, ben oui. Tu tiens un truc. Comme d'habitude, mais version 2011, j'ai regardé Nana, elle ne me regarde pas comme d'habitude. Voilà. Mais... Mais voilà, je bois mon demi, il n'est pas midi, comme oui, d'habitude. Comme d'habitude, oui. Oui, c'est ça. Donc, à travers tes chansons, as-tu un message? Au contraire, tu veux tout simplement laisser le public comprendre ce qu'il y a à saisir à différents niveaux. C'est-à-dire que le soir, j'écoute une de tes chansons, je comprends quelque chose. 2 semaines après, je comprends autre chose. Ça arrive. Alors, moi, c'est ça que tu veux faire? Ouais, c'est plus un... C'est proposer une sorte de... Il n'y a pas de message. Je dirais que s'il y a un message, le message, c'est n'écoutez pas les messages, quoi. Enfin, tu vois, c'est peut-être le seul message qu'il y a. Non, le message, il n'y en a pas. Je revendique pas, il n'y a pas de politique ou de jugement, tout ça. C'est parfois un peu ironique. Voilà, c'est un peu ironique, ça, parfois un peu drôle, parfois très souvent mélancolique. Et puis, mais bon, sans être forcément triste, mais il y a pas mal de mélancolie. Ça parle pas mal de l'enfance, des rêves d'enfance, ce qu'on a gardé, tout ça. Est-ce que tu te rattaches à l'enfance depuis que tu écris? J'écris pour mes enfants, beaucoup. Ah, t'as des enfants? Voilà. OK. Et donc, tu aimerais que leur chanter ça avant de dormir? C'est ce que je fais. Ça m'arrive d'écrire vraiment en pensant à eux. Puis ça me fait. C'est pas mon public, puisque s'ils dorment, je sais pas si la chanson est réussie. Si s'endorment, on peut dire que la chanson est réussie, parce que c'est pas facile forcément. C'est un applaudissement d'enfant, s'endormir. Voilà, exactement. Okay. S'endormir paisiblement, ça veut dire que la chanson est bien. Ok. Ah non, ouais. Ouais, il y a quelque chose d'un petit peu qui plane comme ça sur les... En tout cas, sur ce qu'on joue en ce moment avec Riato, il y a pas mal de mélancolie enfantine, un petit peu. C'est, ça fait partie du, ça fait partie du paysage, de cet univers, quoi. Voilà. Ouais. Et ce que tu veux présenter sur scène, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est l'émotion, c'est... Bon, bah, idéalement c'est un équilibre entre les deux qui se fait. Voilà, quand on va voir un concert, on a besoin de recevoir quand même de l'énergie. Il ne s'agit pas de voir juste des gens qui lisent une partition ou qui sont... Voilà. Donc on va dire sur disque, c'est peut-être un petit, ça doit passer un peu plus l'épreuve du temps. Donc on soigne les arrangements, histoire que voilà, comme tu dis, tu l'écoutes le lundi, puis peut-être tu l'écoutes un mois plus tard, tu vas entendre autre chose. Ouais. Soit à la fois dans le texte, mais aussi dans les arrangements. Sur scène, c'est quelque chose de plus direct, plus, tu vois, tout aussi franc, mais en tout cas plus direct, plus vif. C'est un moment comme ça qui est là, qui disparaît. On peut faire un concert très calme. On a joué là la semaine dernière, voilà, Thomas... qui normalement aime bien, elle a une frappe lourde de batteur de rock, tu vois, là il a joué tout doucement, vraiment, et c'était aussi très agréable, très beau, quoi. Parfois ça va être comme ça, avec des guitares sèches, du piano, parfois on a envie d'électrifier les guitares, et puis de faire passer, voilà, un concert. Ça c'est selon la salle, tu rentres dans la salle, du moins aujourd'hui on va fonctionner un peu ça, ouais. Au contraire, la salle a l'air pleine d'énergie, on y va à fond, on va se dépenser, on va mouiller la chemise. Exactement, on s'adapte à la salle, on s'adapte aussi à des envies aussi du moment, quoi. De temps en temps, on a envie de baisser le son et puis peut-être de capter l'attention des gens d'une autre façon. De temps en temps, on a envie de leur rentrer dedans, et alors on le fait. Mais si vous avez peut-être un trop plein d'énergie, c'est là que ça se passe. Quand vous voulez au contraire être introspectif, ben là, c'est d'une autre... Oui, ça dépend des chansons. On essaye de varier le on essaye de faire un show, on améliore toujours le show. On essaye de faire un show justement qui propose comme un livre d'images. Tu vois, tu tournes des images, ouais. Il va y avoir des images... ensoleillé, d'autres un peu plus sombres, il va y avoir, on monte, on descend, on essaye de faire des vagues, on essaye d'emmener les gens vers différentes émotions, si c'est possible, pendant un concert. Est-ce que tu travailles sur un album concept, c'est-à-dire la chanson va amener l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait, je suis en train de... Oui, non, vas-y, parle. C'est ce que tu m'as dit hier soir. Mais oui, non, c'est parce que hier j'ai écrit une chanson... Il m'a pas dit, il m'a rien dit. Non, je sais, okay. Hier, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Concept. Alors, c'est assez amusant, mais c'est très ironique. Hein. Mais, hey, je me moque de moi, je me moque des concepts un petit peu, mais oui, les chansons en amènent d'autres. Moi, en fait, je fais confiance aux gens avec qui je travaille un petit peu pour me dire... Ben, moi, je propose, j'écris, je réfléchis après. Et je fais un peu confiance maintenant aux gens avec qui je bosse pour me dire, tiens, bah celle-là, elle irait bien après celle-ci, etc. Tu vois, pour faire la liste, moi, vraiment, j'ai pas tellement d'avis là-dessus, je peux pas, j'ai pas de recul, donc... Alors, tu veux pas faire un album, peut-être à venir, là, conceptuel, un peu comme Elodie Nelson ou L'homme à tête de chou, J'ai l'impression que si on le fait, on s'en aperçoit pas vraiment. Okay. C'est peut-être le public qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se... Tu vois, une union, mais... Voilà, quand j'écris, j'ai l'impression que chaque chanson est très différente de la précédente, alors qu'en fait, forcément, quand tu commences à avoir une patte, que tu as un certain âge, les gens, eux, de l'extérieur font « Ah bah oui, on reconnaît, ah ouais. C'est lui parce qu'il y a toujours cette espèce de gimmick, des petites mélodies, il y a des thèmes. » Donc je sais pas si on fait un album concept en le faisant exprès. Je pense que si ça se trouve, on fait les meilleurs albums concept sans s'en apercevoir. Après coup, lorsque c'est en boîte puis tu l'écoutes, ben... Oh, on sent quelque chose. Voilà. Qui se produit. Ah, mais ça arrive souvent que des gens écoutent une chanson, ils me donnent une explication de ce que j'ai écrit, mais moi j'en étais. Ah, mais c'est leur vie aussi qui te raconte un peu à travers ça. C'est des métaphores, ils ont compris quelque chose que toi t'as pas vraiment voulu dire. Et donc, on te fait découvrir ta chanson, mais autrement. Ouais, ça permet à la chanson d'avoir plusieurs vies, ça c'est génial. Ah, oui, c'est ça. Mmh. Est-ce que sur scène, tu vas prendre des vieilles chansons de tes anciens groupes ou si tu restes fidèle à à tes changements, c'est-à-dire que tu mêles pas les... Non, ça peut se faire éventuellement. Il y a peut-être une chanson ou deux qui écrite voilà, dans 25 ans ou 30 ans qui mérite peut-être d'être reprise aujourd'hui, mais j'ai l'impression de quand même d'avoir un peu progressé. J'essaye en tout cas de travailler pour progresser, pour avoir un vocabulaire et une forme d'expression plus aujourd'hui, j'espère, plus direct, qui va te toucher. J'ai l'impression quand même d'avoir, à 25 ans, on écrit avec un petit peu le c'est un peu juvénile, etc. Donc il y a l'impertinence, il y a tout ça. Aujourd'hui, il y a un petit peu, voilà, à 30-35, on a un peu plus de recul. Donc c'est pas exclu, hein. Thomas, il veut toujours qu'on reprenne une chanson d'Alpha Jet. Mais surtout que Paris n'est plus le même non plus, là. Tout a été modifié, il y a des gens d'État qui ont fait leur place et qui ont détruit ou réinventé certaines choses. Ah oui, pourquoi? Là, tu parles de Paris, ah ben voilà. Ah oui, ben je parle de la France en général, pas juste de Paris. Donc on peut pas avoir la même vision il y a 15 ans lorsqu'on est français. Ouais, et puis on n'a pas les mêmes... Références. Ouais, on n'a pas le même ressenti, la même vision de la vie à 25 qu'à 35 non plus, quoi. on évolue, je sais pas, c'est peut-être un peu, on se pose, on se calme un peu. Je préfère, voilà, Riato aujourd'hui c'est... Mais là c'est tout jeune le Riato. Ouais, c'est tout jeune, ça fait à peine 2 ans que ça existe, une grosse année que l'équipe est montée, qu'on est sur scène là depuis 6 mois, on n'arrête pas. Et l'album en cours de, voilà, en cours de réalisation, c'est à droite, à gauche, il se fait... Mais là, est-ce qu'il y a des titres déjà en boîte, déjà préparés? Il y a des titres en boîte, oh, oui, tiens, je t'ai même amené un disque. Et voilà, c'est quand même bien sûr, écoute, on travaille fort là-dessus. Là, l'air de rien. Je t'ai fait le mail, hein. Oui, ok, t'as lié. Le mail, okay. Avec les deux liens aussi, tu peux aller... Tiens, celui-ci, il est pour toi. Attends, est-ce que c'est toi? C'est bien vu. Non mais lui, ouais, c'est moi, ouais. Okay. Ouais, ouais. Ouais, c'est moi. Là pour l'instant, voilà, il y a 4 titres. Pourquoi t'as biffé? Hein? Pourquoi t'as biffé? Le feutre? Non, pourquoi tu as biffé? Ah, parce que c'est un... C'est, quelqu'un qui travaille plus avec nous. C'est quelqu'un qui travaille plus avec nous, c'est un contact. Ok, voilà, donc, okay. C'est pas la peine de le déranger aujourd'hui. Ouais, c'est ça pour lui parler, le truc. Et donc... Ces 4 chansons-là se retrouveront sur l'album. Les 3 premières, c'est certain. La 4e, c'est un petit peu, c'est une démo, quelque chose fait au 4. Pour vérifier. Oui, c'est un petit bonus, un truc aux 4 pistes, pas encore. Mais bon, voilà, c'est frais. Allez, ajouter comme ça. Et comment tu décrirais ce mini-disque, les chansons que l'on va entendre dans quelques minutes là? Ça, c'est un échantillon. Ben, parce que ça, c'est une manière de dire qu'on va passer. Ah ouais, génial. Chansons, ouais, ben voilà. Ah ben c'est un avant-goût. Oh là là là là là là. C'est un avant-goût. C'est un échantillon. Un échantillon. Ouais, c'est un échantillon. Un florilège. Ouais, on va, sont les premières chansons qui ont réuni Thomas, Feuz, Chris, Jean-Marc, toute l'équipe autour de ce nouveau projet il y a 18 mois quand ils ont entendu celle-ci, les premiers. Voilà. C'est là le cœur du disque qui ensuite part un petit peu dans d'autres directions, mais ça c'est le cœur du disque et c'est voilà, ça donne une assez bonne idée de ce que l'album sera. Baudelaire, Paris sans toi, Pris, voilà, sont les quelques chansons sur qui ont... voilà. Oublions le dernier titre parce que c'est écrit entre parenthèses des mots. Exactement. À travers ces 3 titres-là, est-ce que tu revendiques davantage une des 3 chansons? Je crois qu'elles sont toutes les 3 assez différentes. Il y a une chanson qui s'appelle Paris sans toi et qui fait clairement référence à des bandes originales de films des années 60 ou 70. Et ça va un petit peu dans le sens de, je sais pas, d'hommage à Ennio Morricone ou à Francis Lai ou ce genre de... Voilà, ce genre. Est-ce que c'est des extraits de dialogue ou des extraits de musique de... Non, c'est quand tu entendras le thème, le son du piano, on a l'impression d'être dans une espèce de vieux Paris du début des années 70, peut-être un film de Verneuil ou quelque chose comme ça, ou même de Lelouch, pourquoi pas, tu vois. On est un petit peu dans ce... Ah, t'aimes bien Henri Verneuil, t'aimes bien l'univers. Ah oui, oui. Ah, j'adore Verneuil, j'adore j'adore Lelouch aussi. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Ok. Ah, oui, t'aimes bien les réalisateurs des années 70. Ouais, 60 Godard et 70. Aussi, Godard, j'adore. Ouais, j'aime bien ces gens. T'aimes bien des films qui sont ancrés sur le Paris que l'on connaît. Alors ça, j'en suis vraiment dingo, ouais. Okay. Il y a un truc à Paris qui s'appelle la Cinémathèque de Paris. Alors oui, on... bah oui, je suis allé voilà, la semaine dernière. Et puis... On y trouve à peu près tous les films qui, depuis le début du cinéma, dans lesquels il y a la moindre image de Paris. Même si c'est un Paris reconstitué à Hollywood, du moment qu'il y a Paris dedans. Et je suis très friand, j'adore voir les vieux films sur Paris, les quartiers, comment ça change, etc. Et tout ça, voilà. Alors tu adores ta ville. Ah ouais, j'adore ma ville, ouais. Écoute, j'ai 10 questions. Oui. Je souhaite que tu prennes le temps d'y réfléchir ou que tu te lances sur ce que ça t'inspire. Si tu étais un liquide... Tu étais un quoi? Un liquide. Ben, un steak? Non. Ouais, c'est ça. Si j'étais ça va venir, le steak. Si j'étais un liquide, je serais de l'eau de mer. De l'eau de mer? Ouais. Ok. Pourquoi? Salée? Ouais, je sais pas. J'aime la mer. C'est la première chose qui me vient comme ça, sans réfléchir. L'association d'idées. Alors, quand tu t'immerges, tu prends une bonne gorgée d'eau de mer. Ouais. Si tu étais une ville... Je serais Paris en... Allez, en... Au mois de mai, comme disait Aznavour. Non, je serais Paris en 1871. Oh, ben là... Sous la commune. Tu vas trop loin, là. Si tu étais une ville, c'est Paris. Voilà. Parce que plus tard, il y aura une autre. Ah, d'accord, ben voilà. Oui, ben là, il connaît déjà le texte. Non. Je sais. Si tu étais une langue... Je serais... Si j'étais une langue... Je serais l'espéranto.